Le Club vous présente Jeune et jolie et apprenti gigolo. Consultez l'horaire complet sur leclub.ca. Bonsoir les amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terra Incognita à CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno, Jean-François et France. Bonsoir France et Bruno. Bonsoir. Et on est encore sur le high de la convention Terra Incognita qui a eu lieu il y a 3 semaines, mais on n'en est pas encore revenu. Il y a eu beaucoup de moments forts, très peu de petits bémols, peut-être un petit bémol. Il y en a qui, on dirait qu'ils ont... Bonsoir. Il y a nos amis de Vincent et Jacques qui nous font des babayes. Encore une excellente émission. On se croirait dans une émission pour enfants. Et on a bien du fun ici à Saint-Carrel. Et bonsoir Jacques. Et comme je vous disais... Il y en a qui, on dirait qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est le spectacle. Comme par exemple, aller placer une montagne de claviers dans le milieu de la scène, surtout avec un drap noir sur le devant. Moi, je parle de Third Degree. Moi, je trouve que ça a été le gros bémol de la convention Terra Incognita. Mais autrement, d'autres qui en ont, et puis ce qui est surprenant, je pense que c'était les plus jeunes, c'est... Unreal City, les jeunes Italiens, ça a été vraiment... Mon coup de cœur de la convention. Ben sûrement. Ainsi que plusieurs autres personnes. Ben je pense que oui, à voir de la façon que le monde est debout à tout bout de champ. Les ovations ont pu finir. Ces jeunes-là, 3 gars et une fille, on venait pas. Bruno, je pense qu'il a aimé beaucoup aussi. Ça a été une soirée vraiment extraordinaire ce dimanche-là. Et d'ailleurs, on va s'en remettre un petit peu dedans. Ça va être un peu plus tard là, dans la soirée, mais on va écouter un petit peu de Unreal City, le très bon disque, la Crew Delta di Aprile. Mais avant ça, on a d'autres choses. On a, en tout cas, c'est une nouveauté quand même assez récente, même si Marc en a mis un extrait. Je parle de IQ, The Road of Bones. Et c'est vraiment un disque assez intéressant. Hein? IQ, je pense qu'il se renouvelle. C'est vite dit, là, mais disons que je pense qu'il reste dans la course. C'est un vieux groupe qui existe depuis le début des années 80. Et je pense qu'avec ce disque-là, il reste encore dans le coup. Et il y a juste, je n'appellerais même pas ça un bémol, disons, ils l'ont sorti dans une version double, édition de luxe. Mais le deuxième disque est, selon l'avis de certains, encore meilleur que l'original. Pas l'original, mais disons le disque principal. Mais en tout cas, au moins, il est aussi bon. Alors pourquoi ne pas avoir sorti un double plutôt que de sortir une édition comme ça? Mais enfin, moi je vous conseille fortement d'acheter l'édition de luxe à deux disques parce que les deux sont au moins aussi bons un que l'autre. Et on va écouter une pièce qui s'appelle Until the End, mais on va entendre aussi un groupe de Québec que moi je trouve intéressant qui s'appelle L'Abysse des Pensées. Bon, il y a des chansons en français, des chansons en anglais. Il y a un petit côté Dream Theater par moment, mais il n'y a pas juste ça. En fait, c'est intéressant. Un petit côté fusion. Et on va finir ce bloc-là avec un très bon disque de l'année dernière qui s'appelle Mystic Spirit du groupe Curse Pink. this time before my heart sets. Thank you. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira de Québec pour Tadoussac de la gare du Palais vendredi le 13 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche le 15 juin à 13h de Tadoussac. 20$ par trajet. Paiement sur place en argent comptant. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Nous sommes de retour à Terra Incognita. Et ce premier bloc s'est terminé avec Curse Pink, un groupe qu'on aime beaucoup depuis plusieurs années. C'est un groupe qui avait commencé dans les années 80, au début des années 80, à en disquer, mais qu'on a connu surtout dans les années 90. C'est un très bon album éponyme qu'on aime encore écouter, même plusieurs années plus tard. Oui. Là, ça fait partie de tes préférés, surtout Journey from the Inside. C'est ça. Et oui. Et juste avant, et donc cet album là qui on est bien content de l'avoir, qui est paru l'an dernier, c'est Mystic Spirit. On a entendu Final Curtain, c'est la pièce qui rouvre ce très bon disque qu'on vous conseille fortement. C'est sur l'étiquette Musea. Plus difficile un petit peu à trouver, mais quand même, forcez-vous un petit peu. Et juste avant ça, mais celui-là, il devrait être beaucoup plus facile à trouver, c'est Shatters, un groupe de Québec, l'Abysse des Pensées. On a entendu Dime the Light et franchement c'est pas mauvais, hein? Non, du tout. C'est très bon. Il y a un petit côté Porcupine Tree aussi par moment. Là. Je pense qu'on a pu distinguer ça. Et c'est des jeunes musiciens de Québec qu'on a rencontrés à la convention Terra Incognita. Ils étaient là, il y avait une table, ils vendaient leurs disques. Et on vous conseille fortement de prêter une oreille à Shatters. J'ai vu sur Internet The Shatters, mais c'est bien Shatters. Et juste avant, IQ. Road of Bones, un très bon disque aussi. J'ai entendu Until the End. Et si vous avez manqué une partie de l'émission ou si vous voulez la réentendre au complet, on vous rappelle qu'on est disponible en podcast. Donc simplement aller sur le site des CKRL, vous mettez ça sur Google, c'est facile à trouver. C'est comme la playlist aussi de l'émission qui est toujours disponible là. À partir de dans la journée du dimanche d'habitude, là, c'est Marc qui met ça en ligne sur le site de Terra Incognita. Facile à trouver aussi en mettant un Google. On poursuit avec Moon Safari et c'est une pièce qui est assez longue, 24 minutes. C'est un mini-album qui s'appelle Lover's End Part 3 parce qu'on sait qu'il y a un disque qui s'appelle comme ça, en fait, l'avant-dernier. Et je pense qu'il n'avait pas tout dit. Puis ils ont décidé de revenir avec un mini-album qui contient juste une pièce, mais c'est une pièce qui est très intéressante. Et Moon Safari, qui ont participé au Cruise to the Edge, on a eu l'occasion d'en jaser avec nos amis Jacques et Sylvie, qui étaient présents. Puis Pierre. Et Pierre aussi, oui. Pierre, il me disait qu'il est un grand amateur de Moon Safari. Malheureusement, il dit qu'il était un petit peu déçu parce qu'ils ont fait un set acoustique, puis à l'extérieur, ils ont fait un autre set, mais cette fois-là, assez heavy metal. J'ai de la misère à croire. Enfin, je le crois parce que Pierre nous le dit, là, mais c'est quand même surprenant, puis c'est un petit peu décevant. Mais la pièce qu'on va entendre, il n'y a aucune déception là-dedans, donc on va entendre Lover's End Part 3.

my bags, they are all packed, and I'm closing the door. And the songs I gave you don't mean a thing anymore. You know that I love you. You know that it's true. You know that I love you. You know that I do. You know that I love you. You know that it's true. You know that I love you. You know that I love you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Du 22 mai au 7 juin, le Carrefour international de théâtre vous invite à la grande fête du théâtre. Le spectacle « Où tu vas quand tu dors en marchant » est de retour. Les jeudis, vendredis et samedis, de 21h à 23h, venez déambuler dans le quartier Saint-Roch où plus d'une centaine de comédiens, danseurs, musiciens et acrobates revisitent les lieux. Voyez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. CKRL fait parler d'elle. Écoute. Je suis fier de me lever en cette chambre pour souligner le travail exceptionnel d'un organisme de ma circonscription, la radio CKRL. Lors des récentes rencontres québécoises de l'industrie de la musique organisées par l'ADIS, CKRL s'est notamment vu décerner le prix de la radio communautaire de l'année. Je tiens à saluer le travail des membres du personnel, mais aussi celui des bénévoles qui s'impliquent à offrir à la population de Québec une programmation radiophonique variée, vivante et engagée. Encore félicitations et longue vie à CKRL 89.1. Vous venez d'entendre la déclaration à la Chambre des communes du 30 mai 2014 de M. Raymond Côté, député fédéral de Beauport-Limoilou. En juin, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Les 12 et 22 juin, l'Opéra national de Paris, Les Noces de Figaro. Les aventuriers voyageurs en supplémentaire, les 4, 11, 18 et 25 juin. Costa Rica, Tour du Monde, Islande et la Grèce. Les 19 et 29 juin, découvrez les meilleurs courts-métrages mondiaux de l'année grâce au programme Les Nuits en Or 2014. Du 12 au 20 juin, ne manquez pas le Festival du film italien contemporain 2014 présenté par Capital Chrysler. Tous les lundis et mardis, le cinéma Le Clap anime le Musée de la Civilisation. Venez assister à des projections de la programmation du Clap au cœur du centre-ville de Québec. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. C-K-R-L. Cultive tes goûts. Bon, le deuxième bloc qui est pas trop long à résumer, c'est Moon Safari avec Lover's End Part 3. Et c'est la seule pièce que sur ce mini-album. Et ben là, on va parler encore de la convention finalement, parce qu'on va entendre une pièce de Gadi Kaplan. On vous en avait parlé un petit peu avant l'émission. Il est sur sa pochette du dernier disque. C'est Look Back, Step Forward. Et on voit un monsieur qui... Il n'y avait pas cette allure-là, la convention. Ben non, hein, parce que cette pochette-là, moi, je dirais qu'il a fin trentaine. Mais c'est pas le cas du tout. C'est un jeune homme d'à peu près 30 ans, à peine. C'est un Israélien. On vous en avait parlé un petit peu avant la convention. Mais là, on a pu faire connaissance avec M. Kaplan. Et c'est un type vraiment agréable. Là. On a eu l'occasion de jaser un petit peu avec lui. Et il nous a fait un petit set acoustique le vendredi soir, juste avant une heure odyssée. Et franchement, c'était très agréable. Des arrangements de pièces de Pink Floyd, des pièces à lui aussi. Mm-hmm. Mais sur ce disque-là, c'est du matériel qui n'est pas nécessairement acoustique. En fait, c'est surtout électrique. Et il y a beaucoup de monde. Il y a une liste d'invités assez impressionnante. Là. Il y a quelque chose comme une douzaine d'invités. Donc, ça sonne très, très plein. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Within the Clouds. Mais on va entendre aussi du RPWL, A Show Beyond Man and Time. Autrement dit, c'est le spectacle qu'ils nous ont fait à la convention l'an dernier. On garde des bons souvenirs de ça. Hein? Très bons souvenirs. Ben oui. Puis, donc, c'est le même show. Sauf que c'est l'équivalent, si on veut, du DVD qui est paru un petit peu plus tôt. Et ce bloc-là va se terminer avec Unreal City, avec une pièce qui s'appelle Dove La Luce et Più Intensa. Et pour revenir avec ce groupe-là, on l'a dit en début d'émission, c'est notre coup de cœur, hein, je pense. Oui, coup de cœur. Et ils sont en train de préparer leur prochain album qui devrait sortir à mi-janvier 2015. Dans le beurre d'entendre ça, évidemment, on vous tient au courant. Mais juste faire un petit retour aussi, on a à peine effleuré le sujet. Il y a Inner Odyssey le vendredi soir en première partie de Is. Eux autres aussi sont en train de préparer un disque. Hein, t'as jasé pas mal avec Vincent? Avec Vincent, oui. Puis, je pense que c'est avant la fin de l'année. Oui, avant la fin de l'année. Et on peut compter sur Vincent pour venir nous présenter ça à l'émission Terra Incognita. Ça, c'est sûr qu'ils vont venir faire un tour. Mais en attendant, on écoute Gadi Kaplan. Mmh. never lost my love. In all I've ever seen and all that crossed my heart, I never lost my love. Searched all corners of your place till the night came down. I've seen your mothers and your fathers, the world from where you came, but never saw you home. And finally, we are what we are, what we will ever be. A life full of science and knowledge, but only as far as we can see. And after all, we came a long way, but still the game remains the same. A new world in our hearts and in our dreams, but still. This higher place, you've got it all to come. Go set out for other places. Other places. You have to go down with the sun. with you, but I'm on your side. Go and tell your heart, my heart is pulse about to come, walking on with pride. lontana. La mia morale non è più legata a lui. Corvi di cartone, nuvole di vetro, la pioggia ride il suo clangore. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Attention, ceci n'est pas un bar. Votre coopérative de solidarité, l'Agité, est la place en ville qui vous propose à la fois des activités sociales et culturelles, des spectacles ainsi qu'une terrasse flambant neuve. Un milieu alternatif, un milieu éthique et éthylique, l'Agité est engagé dans son milieu. Suivez-nous sur agité.org en vous abonnant à notre bulletin mensuel ou sur Facebook. Ouvert du lundi au dimanche entre 15h et 3h. L'Agité, 255 rue Dorchester. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours www.gestigroup.com. CKRL a le mandat de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à directionacommercialecKRL.qc.ca ou par téléphone 418-640-2575, poste 201. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Je te collerai aux fesses comme des shorts. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Et ça se passe vite, hein? On est déjà rendu au dernier bloc. Et ce troisième, lui, s'est terminé de belle façon avec le très bon groupe italien Unreal City. Et ça nous fait revivre un petit peu les très beaux moments qu'on a vécu dimanche, il y a 3 semaines. C'est sûr. Ben oui. De voir ces petites jeunes, ces jeunes-là à la relève italienne, c'est fait plaisir de voir ça. Puis ils sont de plus en plus nombreux, hein, ces jeunes-là. Si on pense à une Granaggi de la Vallée et le Tempio de l'Eclissidri qu'on avait vu au Nerfest en 2012, ça fait beaucoup de jeunes groupes italiens qui ont ça dans le sang. C'est beau de les voir aller. Et d'ailleurs, en parlant de Il Tempio de l'Eclissidri, c'était leur batteur jouait avec Fabio Zuffanti en fermeture le dimanche. Et en fait, moi, je ne l'avais pas reconnu. C'est Marc qui me disait que c'était ça. Et effectivement, je suis allé voir une vidéo de leur prestation au Nerfest. Effectivement, c'est le même monsieur et qui joue très bien de la batterie. Et ben un groupe qu'on n'a pas parlé, c'est Néodyme, moi, à mon goût, qui a très bien paru aussi. Un autre bon groupe québécois, donc on n'en manque pas avec Isos et Inner Odyssey. Eh bien, en fait, qui sont un petit peu les mêmes, là. C'est un peu les mêmes musiciens. Mais disons que ça fait une belle relève. Aussi au Québec, là, on avait eu Edo aussi l'an dernier, qui font très bien. C'est un petit peu plus, si on peut dire, plus proche du jazz fusion, là, mais une musique très technique, mais c'est beau à voir sur scène. Et juste avant, c'était RPWL, la version live, qui n'est pas tellement différente finalement de la version sur disque studio. Et juste avant, Gadi Kaplan, qui a étonné beaucoup de monde, je pense, s'est fait plein d'amis à Québec. Oui. Et on espère bien le revoir. Oui, aussi, il s'est permis de jouer sur l'heure du souper. Et vendredi, on a eu un petit moment mémorable que le bassiste de Ease chantait et lui accompagnait à la guitare. C'était de toute beauté de les voir tous les deux. Ben oui, c'est des petites prestations comme ça, spontanées. C'est ça, hein, la magie de la convention Terra Incognita. C'est une belle rencontre d'amateurs de musique. Et pas juste de musique progressive, de la belle musique en général, parce que disons qu'on ratisse quand même assez large. Gadi Kaplan, sur disque, ça sonne un petit peu fusion, un petit peu jazzé, il y a un peu de tout, mais c'est toujours très intéressant. Et pour rester un petit peu dans cet esprit-là, parce qu'on a eu la joie d'accueillir aussi Glasshammer, qui finalement s'est produit à Québec, ça a pris du temps, ça a été quelque chose de longue haleine. Mais en fait, c'est pas du Glasshammer qu'on va entendre à soir parce que on en a entendu beaucoup dans les dernières semaines. Ça va être plutôt The Samurai of Prague, mais le lien avec Glasshammer, c'est le guitariste Alan Chico qui joue sur ce disque-là, une pièce qui s'appelle To Take Him Away. Et on reconnaît la très belle guitare de Alan Chico. Et ce sera suivi de Dream the Electric Sleep. Coming the night to take him away. to come in sympathy. Now she's come in the night to take him far away. Now she's come in the night to take him away. Soon the garden disappeared, and though he was confused by the sunlight forming around his radiance, oh, she assured him that the time had finally come, and slowly they now were drifting into one. Now she's come in the night to take away. Now she's come in the night to take him away. Woo! just a little tired. I don't seem to rest as well when I lay with frantic thoughts and conversations dwell on what was that you said about the future looking bright. For whom did you think of? Your daughter or your son? Or me, the one who can look back, the one who carries the weight of loss. For your gain, let down your guard and let me cross. To stand as the same. Et c'était Dream, The Electric Sleep. Et la pièce To Love is to Live. Et on glisse tranquillement vers l'autoroute. Et on va écouter une pièce souvenir du groupe américain Caliban, qui malheureusement est disparu après son deuxième album. En fait, ça, c'est son premier, qui s'appelle Don't Panic. Un truc qu'on écoutait beaucoup il y a plus d'une vingtaine d'années et que j'ai ressorti. Et je me suis dit que ça ferait une belle transition avec l'autoroute, et Stéphane est déjà prêt pour l'émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute, et si vous avez manqué quelque chose, bien, allez sur le site pour y trouver le podcast. Donc, merci à Franck, merci à Bruno, et là-dessus, on souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute pour l'autoroute. Thank you.